Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Historia Nancy. Historia Nancy, qu'est-ce que c'est ? C'est le journal par et pour les étudiants de l'Université de Nancy. Aujourd'hui, je suis avec quatre animateurs que je suis enchantée d'accueillir comme toujours. Le retour notamment d'Anaïs. Anaïs, comment tu vas ? Salut, ça va très très bien et toi ? Bah super, merci. Je suis avec Ariane qui était avec nous pour la première émission également en octobre. Ariane, quoi de neuf ? Comment ça va ? Bah ça va super et toi ? Eh bah ça va toujours bien. Je suis également avec Ilana. Bonjour Ilana. Bon, et Nana qui bonjour, n'est pas bonjour. Réveillée vraiment. Non, mais bon, ça arrive en même temps un lundi à 8h30. Écoute, c'est pas grave, personne ne t'en voudra. Je suis avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Comment tu vas Théo ? Eh bah super, super bien. Mais décidément, tout le monde va bien, je suis ravie de l'entendre. On va rentrer dans le dur du sujet tout de suite. On va s'écouter un peu de Bruno Mars et Lady Gaga, c'est important. Et on revient tout de suite. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm alive. merci Bruno Mars, merci Lady Gaga, je l'écoute en boucle. Et je crois que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas Anaïs? Ah oui, tout le temps. Parfait. Alors, sur ceci, on va passer sur la chronique de Ariane. Tu voulais nous parler d'un certain film qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, il n'est pas encore sorti au cinéma. Je crois qu'il sort mercredi. Eh bah, ben, toutes mes excuses. Super. Non, après, j'ai cru que c'est moi qui m'étais trompée, donc tant mieux. Donc, je vais vous parler donc, du fameux film Wicked, qui sort en salle mercredi. Donc, voilà, c'est ça. C'est un film Universal Studios, donc par le réalisateur John M. Chu. Et avec, bien sûr, Cynthia Erivo dans le rôle de la sorcière Elphaba et Ariana Grande dans le rôle de Glinda. Donc, cette œuvre tant attendue s'inspire d'un roman de Gregory McGuire. Et donc, le titre, c'est Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Donc, qui est lui-même une réécriture du roman Le Magicien d'Oz de Frank Baum et du film de 1939, Le Magicien d'Oz. Donc, dans ce film, Wicked, on va suivre le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz, avec Elphaba, donc une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte et qui ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À côté, nous avons Glinda, qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Cheese, dans le fantastique monde d'Oz, marque le début d'une amitié improbable mais profonde. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Tandis que Glinda, assoiffée de popularité, se laisse séduire par le pouvoir, la détermination d'Elphaba à rester fidèle à elle-même, ainsi qu'à son entourage, aura des conséquences aussi malheureuses qu'inattendues. C'est donc une œuvre remplie de chansons, de couleurs, de glamour et de magie qui promet de nous en mettre plein les yeux cet hiver. Donc j'espère que, comme moi, vous avez hâte d'aller le voir en salle. En tout cas, moi, je ne peux plus attendre. Et bah vraiment, tu m'as vraiment donné envie d'aller le voir, donc tu l'as très bien vendu, merci beaucoup. Alors, en l'honneur du Téléthon, on va écouter le parrain de ce Téléthon, pour cette année en tout cas, et je laisse la place à Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Gotta be mean, gotta be everything more. Ching. Et merci Mika, et on n'hésite pas vraiment à participer ou à donner au Téléthon si on le peut. Sur ce, Théo, tu voulais enchaîner, je te laisse la parole. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chronique La Culture Locale. Donc aujourd'hui, je vous amène à Tomblaine, une ville qui rayonne grâce à son dynamisme culturel, à son incontournable festival de Tomblaine. Mais c'est pas tout, puisque le 12 décembre, une soirée exceptionnelle s'annonce à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine. Hervé Ferron, artiste aux multiples talents et grande figure locale et nationale, de par son statut d'élu à la métropole du Grand Nancy et de député à l'Assemblée nationale, et donc c'est également le maire de Tomblaine. Il présentera son nouvel album, Un Café de la Paix, un titre évocateur pour un projet empreint de douceur, de poésie et de réflexion sur le monde qui nous entoure. Cet album, édité en vinyle, rend hommage à la tradition de la chanson française tout en y apportant une touche contemporaine. Accompagné de ses musiciens, Hervé Ferron nous dévoile la belle histoire de ce disque. Entre mélodies envoûtantes et textes poétiques, une soirée musicale qui promet d'être intime et chaleureux. Avec, en clôture, le verre de l'amitié, partage entre artistes et spectateurs qui peuvent ravir le cœur de nombreux spectateurs. Alors ne manquez pas cette parenthèse musicale unique, le jeudi 12 décembre à 20h30 à l'espace Jean Jaurès, et avec la modique somme de 10€ seulement. Et pour réserver vos places, rendez-vous sur Place des Arts, ou contactez le 03 83 33 27 50. Venez vibrer au son de la chanson française d'aujourd'hui sur vinyle et en live. A bientôt sur les ondes pour découvrir ensemble le meilleur de la culture locale. Et c'était Théo pour la chronique La Culture Locale. Et je vous laisse avec la chanson de Noël, Carol of the Bell, de John Williams. Merci Théo. Et merci Théo pour la chronique et pour la recommandation. Je ne saurais que trop vous recommander de regarder le film « Maman, j'ai raté l'avion » duquel est issue cette chanson, me semble-t-il. Oui. Merci Anaïs. Ok, Ilana, c'est à ton tour. Tu vas nous parler, non sans blague, cinéma. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul sur un phénomène souvent critiqué, les remakes. Trop facile, opportuniste, peut-être, mais si on y regarde de plus près, les remakes peuvent aussi être vus comme une manière fascinante de faire dialoguer le passé avec notre époque. Adapter une œuvre classique, c'est plus qu'une simple mise à jour, c'est prendre un film ancré dans un contexte historique et le réinterpréter pour qu'il parle aux enjeux et aux sensibilités de notre temps. Quand on remanie une histoire déjà connue, c'est un peu comme une conversation entre deux époques. Les défis narratifs et techniques évoluent, tout comme nos manières de percevoir le monde. Prenons l'exemple de West Side Story. Le film original, sorti en 1961, explorait déjà les tensions raciales et l'influence de la culture de rue à cette époque. Le remake de 2021, lui, met en lumière les questions de diversité, d'inclusivité et de représentation, des sujets brûlants pour notre société actuelle. Ce qui reste universel, c'est la tragédie humaine, mais chaque version exprime ce drame avec la palette émotionnelle de son temps. Un autre exemple, peut-être plus proche de nous, c'est Le Comte de Monte Cristo. La version de José Dayan avec Gérard Depardieu, sortie en 1998, adoptait une approche très fidèle à l'esprit du roman de Dumas, avec un traitement épique et classique qui sublimait le contexte du 19e siècle. Mais imaginez une réinterprétation contemporaine avec un acteur comme Pierre Niney. Plutôt que de s'attarder sur les fastes de l'époque, un remake avec lui pourrait explorer la psychologie d'un Edmond Dantès moderne plongé dans un monde où la trahison et la vengeance prennent des formes numériques ou économiques. Là encore, le cœur du récit, l'injustice et la revanche resteraient intacts, mais ils seraient transposés dans des enjeux actuels. Les inégalités systémiques, le poids de la surveillance ou encore la quête de justice dans un monde globalisé. Par ailleurs, un remake permet de montrer comment les avancées technologiques enrichissent le langage cinématographique. Regardez Blade Runner 2049, il ne s'agit pas de dénaturer l'œuvre culte, mais de prolonger l'expérience visuelle et thématique en profitant des progrès en matière d'effets spéciaux et de narration numérique. Les remakes deviennent alors un laboratoire où se mêlent hommage, expérimentation et évolution des techniques. Mais dans les remakes, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'ils reflètent avant tout l'évolution des désirs sociaux à travers les époques, façonnant les œuvres que nous regardons. En effet, le cinéma étant une industrie, les professionnels du domaine ont l'ambition du succès et la meilleure manière d'y arriver, c'est de parler aux gens. Ça implique une bonne connaissance du monde actuel, forcément. Ainsi, les films peuvent être considérés comme un miroir de nos sociétés et les remakes en sont une illustration remarquable. Au final, les remakes ne sont pas seulement une réitération d'histoires passées, mais aussi une exploration du contraste entre deux contextes historiques et une manière de revisiter les mêmes thèmes à la lumière des préoccupations et des valeurs d'aujourd'hui. Plus qu'un simple coup marketing, un bon remake, c'est capturer l'essence de l'original tout en réinterrogeant ce que cette histoire a à nous dire dans le monde actuel. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de remake, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette nouvelle version révèle sur notre société d'aujourd'hui? C'était Ilana, et à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma. Lana pour la chronique. Alors, moi de mon côté, j'aimerais bien vous parler d'un conte qui m'a beaucoup touchée quand j'étais petite et qui continue de me toucher à un autre niveau aujourd'hui. Et si vous connaissez, vous avez déjà très probablement au moins été touchée, je dis pas pleurer, c'est peut-être un peu exagéré. Je veux parler de La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ou pas du tout ? Oui, oui, je connais, moi. Ok. Moi aussi. Moi, ça ne dit rien. Et bah pareil, parfait, on va en parler. Cette histoire m'a beaucoup marqué aussi quand j'étais petite. Ouais, c'est super triste, c'est horrible. Alors, on va faire un petit résumé rapide. Le conte, il raconte une nuit de réveillon d'une petite fille qui erre pieds nus dans les rues glacées et qui tente de vendre des allumettes pour survivre. Sauf qu'elle n'arrive pas à vendre ses allumettes et du coup, elle en revient à les craquer une par une pour se réchauffer parce qu'il fait froid, on est en décembre. Et des visions féeriques apparaissent devant ses yeux au fur et à mesure qu'elle craque les allumettes. Donc des images qui symbolisent un peu ses espérances sur ce qu'elle aimerait vivre en cette soirée de réveillon. Donc par exemple, il y a un poêle chaleureux au début, après un repas, après un sapin de Noël scintillant. Finalement, dans un dernier éclat, donc quand elle craque sa dernière allumette, elle voit l'image de sa grand-mère, qui est la seule personne à l'avoir aimée. Et dans la lumière de cette vision, elle s'éteint et elle est transportée dans un au-delà meilleur. C'est super triste. Bah oui. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'étais vraiment toute petite et je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Pour une petite analyse rapide, La petite fille aux allumettes, c'est plus qu'un simple conte de Noël. C'est Andersen, il a une écriture que je trouve personnellement très poétique. Et du coup, avec ce conte-là, il dénonce les inégalités sociales de son époque. C'est un message qui malheureusement est toujours tristement pertinent aujourd'hui. Le contraste entre du coup la féerie des fêtes et la dureté de la vie de la petite fille, ça pousse les lecteurs du conte à réfléchir, les lecteurs du conte à l'époque et les lecteurs actuels, à réfléchir sur la signification réelle du jour de Noël en fait. C'est un moment de solidarité au début. Ce conte, il nous invite à regarder au-delà des lumières et des cadeaux et à tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. En conclusion du coup, La petite fille aux allumettes, c'est un rappel de l'importance de l'empathie et de l'importance de l'humanité. Et si cette histoire nous touche tellement, c'est peut-être aussi pour nous inciter à agir en fait. Donc, parce qu'après tout, bah, Noël c'est certes un moment de partage et c'est aussi un moment pour se reconnecter avec les autres, donc dans la générosité et dans l'amour. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on va enchaîner avec Morkeba. At sunset, after that you can't get out. Anaïs, tu vas nous conclure cette émission de décembre, je te laisse faire. Alors aujourd'hui on va parler de l'univers des années 80 avec un titre qui a marqué l'histoire de la pop, Take On Me d'A.A. Sorti en 85, Take On Me est bien plus qu'une simple chanson pop avec ses synthés puissants, sa mélodie accrocheuse et surtout cette voix incroyable de Morten Harket qui monte jusqu'à des notes vertigineuses. Ce titre est devenu l'emblème d'une décennie. Ce qui rend Take On Me si unique, c'est son clip, un petit bijou visuel pour l'époque réalisé par Steve Barron. Il combine plusieurs prises de vue, réelles et animations en rotoscopie. Une technique qui demande de dessiner chaque image par-dessus les vidéos filmées. Cette idée originale a capté l'imagination de millions de fans et a permis au groupe norvégien AA de percer à l'international. Le clip raconte une histoire d'amour entre une jeune femme du monde réel et un personnage de bande dessinée qui prend vie, une romance qui nous transporte entre deux mondes, tout comme la musique de Take On Me d'AA. Mais saviez-vous que Take On Me n'a pas été un succès instantané? Avant la version que nous connaissons tous, il a fallu plusieurs enregistrements et de nombreuses tentatives pour trouver la bonne formule magique. Ce n'est qu'après avoir ajouté ce fameux riff de synthé et affiné la production que le morceau est devenu le hit planétaire que l'on connaît. Le tube reste un classique intemporel, repris, samplé et joué partout, des mariages au stade. En 2020, le clip a même franchi la barre du milliard de vues sur YouTube, preuve que ce morceau traverse les générations et touche toujours autant de monde. Allez, on se replonge dans l'univers de ce tube éternel. Montez le son, voici AA avec Take On Me. Take on me. Et merci Anaïs pour ce retour dans le passé. Alors, on va se conclure, oui, bien sûr, on va se quitter sur cette chronique, merci encore. Merci à tous d'avoir été là, et avant de se quitter, quand même, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez des projets pour ces vacances qui arrivent, du coup, maintenant dans 2 semaines? Ariane, je te laisse commencer. Alors, moi, j'ai vraiment hâte, parce que cette année, je vais faire les fêtes de Noël en Laponie, avec ma famille. Oh, c'est trop bien! Ouais, donc, bah, ça va être super cool. Voilà, j'ai vraiment hâte. Ouais, je comprends. Ok, super. Théo? Alors moi, je vais sur le bain des Missipontins et des Vosgiens pour faire Noël chez la famille. Hein, c'est important. C'est très bien aussi. Mais bon, on n'est pas en Laponie, nous, on est plus en France. Ilana, t'as quelque chose de prévu? Je ne pars pas en Laponie non plus. Mais pareil, je suis avec ma famille. Voilà, je les vois pas souvent, donc c'est cool. Bon. Eh ben, c'est très bien. Anaïs, toi, t'as quelque chose? Alors moi, je suis trop contente parce que c'est le premier Noël avec mon copain. Donc ça va être incroyable. Je vais aussi faire Noël en Normandie, mais du coup, après Noël et avec ma famille le 25, comme d'habitude. Voilà, j'ai trop hâte. J'adore Noël. Ça s'est vu, oui, effectivement. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir été là pour cette émission. Et on se retrouve le mois prochain, du coup, pour l'émission de janvier. Ce sera l'émission de la nouvelle année. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.